c'est tout. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television Television, ironiquement, la série Bienvenue à Jersey Shore n'est pas la bienvenue au New Jersey. Dans cette fête Tech Edition, deux blocs thématiques, un sur les consoles de jeux vidéo et l'autre sur Sonic the Hedgehog. Et dans le segment Geek CNX, une première porno professionnelle tournée avec les lunettes futuristes Google Glass. Tout ça et plus tout de suite au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Voici celui pour qui GTL veut dire gaming, technologie et lecture, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mike, The Situation Sorrentino. Évidemment, je ne suis pas tout seul à me faire bronzer et à clubber toute la nuit. Pour ça, j'accueille Marie-Ève Picard. Salut! Bonjour! Ça va? Ça va très bien. Troisième émission déjà? Ben oui, trois. Même trois, si je mime un 6 avec mes deux mains et trois doigts. Oh. On dirait Bibi avec ses petits doigts de pape. Donc, GTL, tu le sais, Marie-Ève, ça veut dire, dans Jersey Shore, Gym Tan Laundry. On a vu ça sur des chandelles. Oui, oui, exact. La chose la plus ridicule du monde. Je sais pas si le mien, gaming, technologie et lecture, est plus loser encore qu'eux autres. Non, moi, je trouve ça meilleur. Oui, vraiment. C'est très drôle. Geek power. Exact. Comme on dit. Donc, dans quelques instants, on fera la chronique Télévision, Télévision. On a encore un autre mort dans cette chronique-là, donc ça sent bien déprimant. Ouais. On dit la règle des trois. Ouais, quand c'est une vedette meurt, deux autres doivent mourir. Ouais. On se demande donc c'est qui la prochaine. Et voilà. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, comme on le fait à chaque semaine, c'est-à-dire de la musique inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et ce avec quoi on va commencer, c'est l'artiste Vault 44 et la chanson Good Times. Bon, ben, espérons avoir un good time. Hein? Oh yeah, let's don't worry, be happy, comme on dit. Gym Tan Laundry, tout ce qui rime, c'est vrai. Faire mon lavage, t'es carrément, tu sais. Oh oui. Je te réponds. Vault 44, la pièce Good Times, un petit peu de musique de jeux vidéo, ça pompe toujours, ça a l'air bizarre de dire pomper. Hein. Un peu, hein? C'est un petit peu sexuel. Ou encore un gars qui s'entraîne trop comme dans Jersey Shore. Oh, et voilà. Combien tu pompes? Combien tu pompes, toi, Mathieu Blanc? Dis-nous dans ça. 3-4 douzaines de bangs faciles. Oh, ouais. Quand même. Commençons l'émission avec la chronique Télévision. Non, oh, pardon, excuse-moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Pas du tout, tellement pas. pas grave, tu sais. On voulait juste voir si les gens suivaient. C'est ça. De toute façon, c'est quoi 3 secondes de temps de perdu? Ben oui. Donc, Télévision, évidemment, la chronique qui parle de télévision. C'est bien, bien clair pour tout le monde. Commençons avec la série Jersey Shore. On en parlait en intro. Ils sont pas bienvenus au New Jersey. Oignon? Ben non. Oignon. Oh boy. Une petite ville de l'État du New Jersey qui tente de se remettre de l'ouragan Sandy refuse d'accueillir le tournage de la nouvelle saison de la série Jersey Shore qui s'appelle Snooki and Jay Wow. Hein, maintenant, on va être les deux personnages fétiches de couleur plus ou moins orangée. Les élus du canton de Berkeley soutiennent que le tournage de cette émission du réseau de télévision MTV constitue une activité commerciale, ce qui va à l'encontre des règles de zonage en place dans la municipalité. La ville a indiqué au propriétaire de la maison où doit se dérouler le tournage que le zonage résidentiel en vigueur ne lui permet pas d'accueillir une telle activité. Plusieurs résidents d'un quartier de la municipalité ont fait appel à un avocat après avoir appris l'arrivée de l'équipe de Jersey Shore. Ils estiment que ce tournage nuira à leurs efforts pour retrouver une vie normale, alors qu'ils tentent encore de rebâtir les maisons abîmées par l'ouragan. Plusieurs autres villes ont adopté des résolutions visant à bloquer l'arrivée de l'équipe de tournage de l'émission dans leur municipalité. Il y a le fait que ça te fait honte aussi de recevoir peut-être... Oui, aussi, là, disons-le. Ça donne pas de très belle image. Ouais, je pense qu'ils ont raison quand même. Et ça pourrait peut-être faire que l'eau va devenir orange dans la ville au complet s'ils prennent leur douche là. Donc... Facile. Ah, c'est effrayant. Maintenant, parlons du flic de Beverly Hills. Tu te rappelles de la série de films? Ben oui. Avec Eddie Murphy. Et bien l'adaptation à la télévision du film Le flic de Beverly Hills a été abandonnée. Oh, comment ça donc? Ben, aucune chaîne en voulait. Hein? C'est triste, hein? Il voulait pas. Ben non, Eddie Murphy avait aidé à développer la série avec le réalisateur Sean Ryan et la chaîne CBS semblait prête à tourner le pilote. Okay. Cependant, la chaîne avait choisi de se retirer du projet en début d'année et Sean Ryan avait dit aux fans avoir du mal à vendre le concept aux chaînes concurrentes. Donc, ce projet est mort pour le moment. Il dit pour le moment. Cependant, les fans peuvent se rassurer parce qu'un quatrième flic de Beverly Hills, là, les films, sera en préparation pour le cinéma. Le pilote a poussé la Paramount à commander un nouveau film. Donc, en faisant le pilote, ça leur a donné l'idée, bon, on veut pas faire une série télé, mais on pourrait faire un autre film. Ouais. Ce qui est déjà mieux que rien. Oui, puis en même temps, ça me fait penser aussi à TBS, là, qu'on parlait la semaine dernière. Ouais. Je crois pas que eux autres seraient peut-être intéressés, mais eux qui aiment ça reprendre des fois là, un peu ce qui marche moins. On dirait qu'ils disent oui à tout. Oui, pour leur donner une deuxième vie. Là. Ça peut être pas pire, ils devraient se virer vers ça. Ce serait pas une mauvaise idée, surtout que Flic de Beverly Hills, il me semble que c'était quand même un peu drôle. Et TBS, c'est comédie pour Manchester, donc ça aurait du sens. On se rappelle que dans la série télévisée, donc le pilote, Eddie Murphy s'apprêtait à reprendre son rôle d'Axel Foley pour former son fils Aaron. Donc c'était même pas lui, dans le fond, la vedette. En plus? Bon. C'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il... Oui, on parle que ça marche pas parce que c'est pas Eddie Murphy, peut-être. Maintenant, on entre dans un petit bloc déprimant, encore des morts. Donc, on se rappelle, on avait parlé récemment de James Gandolfini qui était mort. Ben, tiens, parlons-en en premier. Sa télésérie ne sera pas diffusée. Le réseau HBO a décidé de ne pas présenter le premier épisode de Criminal Justice dans lequel James Gandolfini avait joué avant sa mort. HBO a fait savoir qu'il ne voyait pas d'intérêt à diffuser le pilote de Criminal Justice dans la mesure où James Gandolfini ne pouvait pas continuer à incarner le protagoniste principal. On sait que l'acteur des Sopranos est décédé d'un arrêt cardiaque le 19 juin dernier alors qu'il se trouvait à Rome. Il avait tourné l'épisode avant sa mort, un seul épisode. Il savait pas s'il était pertinent, donc le créateur ici, de faire appel à un autre acteur pour remplacer James Gandolfini. Ça a été bizarre si le gars il est mort de le remplacer. Non, je pense qu'ils ont bien fait. Ouais. Avant sa mort soudaine, l'acteur avait joué dans deux longs métrages, Enough Said, film de Nicole Olofsener, et qui va sortir le 20 septembre prochain, après avoir été présenté au Festival des films de Toronto. L'autre long métrage est Animal Rescue, qui n'a pas encore de date de sortie. Donc James Gandolfini, le gars qui joue dans Les Sopranos, sa nouvelle série, dans le fond. J'imagine que la série va continuer, mais avec un autre personnage complètement. Oui, c'est ça, ils vont essayer de virer ça autrement. C'est mieux. Oui, à un moment donné, c'est bien beau vouloir les garder en vie, le télévisé, mais on passe à autre chose. Exactement, même chose pour Cory Monteith de Glee, ça fait 3 émissions de suite qu'on en parle. Oui, mais c'est quand même important. Là. Un jour, on va arrêter. Un jour. Cory Monteith aura droit à un honneur posthume dans le cadre d'une émission de la série Glee. Le producteur exécutif de la populaire série télévisée, Ryan Murphy, planifie un épisode en mémoire de l'acteur qui est mort à 31 ans et dont la dépouille a été découverte le 13 juillet dernier. Selon M. Murphy, l'émission qui sera la troisième de la saison, donc ils vont commencer les deux premiers épisodes. Je ne sais pas si ça va être... est-ce que c'est des épisodes qui ont été filmés avec Cory Monteith? Ouais, ou peut-être qu'il n'était pas dans ces épisodes-là. Peut-être, ou qu'il... arrivait peut-être juste dans le troisième épisode. Oui, parce qu'on sait que la distribution a changé. Ils mettent l'accent plus sur les plus récents. Ou sinon, peut-être que l'émission voulait pas commencer avec une première de saison mettant en vedette l'hommage posthume. Peut-être qu'ils ont dit, on commençait à mettre des histoires en branle, puis avec le troisième épisode qui passe un petit peu plus inaperçu, faire ça, je sais pas. On fera l'émission hommage. Ouais. Donc, l'épisode qui va être axé sur la mort de Finn Hudson, le personnage écarté par le comédien canadien, qui avait évidemment succombé à une surdose d'héroïne et d'alcool. Après la diffusion de l'hommage, l'équipe de Glee prendra une pause, le temps d'évaluer dans quelle direction elle souhaite désormais s'engager. La série est présentée sur les ondes de Fox. Elle va être de retour le 26 septembre, soit une semaine plus tard que ce qui avait été prévu. On avait parlé de ça la semaine passée. Oui. Et maintenant, bon, donc, après deux personnes, la règle des trois fait que la troisième personne doit être quelqu'un qu'on connaît aussi. Et c'est Dennis Farina, vedette de Law and Order. Peut-être un peu moins connu au Québec, je sais que La Loi et l'Ordre a été diffusée à Radio-Canada. Oui. D'autres versions, crimes sexuels et tout, sont diffusées sur d'autres chaînes. Mais bref, c'était une vedette un petit peu plus récente de cette émission-là. L'acteur américain Dennis Farina, qui interprétait un policier de New York dans la populaire télésérie La Loi et l'Ordre, est décédé à l'âge de 69 ans. C'était lundi le 22 juillet, voilà. Farina est mort dans un hôpital de Scottsdale en Arizona après avoir été victime d'une embolie pulmonaire, un petit peu plus naturelle que notre ami Corey. Né le 29 février 44 à Chicago, il était policier de cette ville avant de devenir acteur à la fin de la trentaine. Il a aussi joué au cinéma, notamment dans Get Shorty, Saving Private Ryan et Midnight Run, mais c'est sûrement son rôle d'enquêteur Joe Fontana dans La Loi et l'Ordre de Dick Wolf qui l'a rendu le plus célèbre. Il avait aussi joué dans la série culte des années 80 Crime Story et plus récemment dans la série dramatique Locke sur la chaîne HBO. Triste. Oui, c'est triste. En plus, l'émission est bonne. Là. Oui, ça dure depuis des décennies, cette émission-là. Je suis persuadé que la série va être capable de survivre. Oui, elle va survivre. Là, mais quand même, c'est un gros morceau. Oui. Est-ce que tu te rappelles du film Les 12 singes avec Brad Pitt? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Oui! Ben, l'armée des 12 singes s'en vient à la télévision. La chaîne Sci-Fi développe une série inspirée du thriller post-apocalyptique de Terry Gilliam, révèle The Hollywood Reporter. Dédié au fantastique, Sci-Fi serait prête à lancer sa chance au projet, au moins pour un épisode pilote de 90 minutes, un genre de téléfilm. Chuck, ouais, c'est pas pire, plus qu'une petite émission. Ben oui. Chuck Roven et Richard Suckle, producteurs du film original, sont à l'initiative du projet. La mise en scène du téléfilm de lancement sera quant à elle assurée par John Cassar, réalisateur et producteur historique de 24. Donc, pas des petits noms, là. 24, ben 24 ben heures chrono. Sorti en 95, le film plaçait Bruce Willis dans la peau d'un prisonnier de 2035 envoyé dans le passé pour empêcher une pandémie lancée 40 ans plus tôt par une mystérieuse organisation dénommée l'Armée des 12 singes. Brad Pitt et Madeleine Stowe jouaient aussi dans l'œuvre qui reste une des plus appréciées de Terry Gilliam. Son scénario s'inspirait librement du court-métrage La Jetée de Chris Marker. Sci-Fi remodèle actuellement sa grille pour 2014. Là, on se rappelle de Sci-Fi, en ce moment, c'est pour les films de série B. Sharknado. Après le succès de Defiance, la chaîne prépare Helix, un autre thriller sur fond de maladies mystérieuses. Des séries portées par Jamie Foxx. Qu'on aime beaucoup. On l'adore. M. Night Shyamalan Ding Dong. Ou encore. Comment? M. Night Shyamalan, le gars des films d'horreur. J'aime bien dire Shyamalan Ding Dong. Ou encore Brian Fuller, qu'on connaît pour, entre autres, Pushing Daisies, Dead Like Me. Ah, quel être merveilleux. Il a travaillé récemment sur l'émission avec Hannibal. Donc, il figure aussi sur les tablettes de Sci-Fi ou Sci-Fi. Wow! Ça va être à voir, hein? Quelle belle année pour eux. Ouais. Maintenant, fait divers et intéressant, donc divertissant, si on pouvait inventer un mot. L'acteur de Breaking Bad, le chimiste Bryan Cranston, qu'on connaît pour Malcolm sur Télé-Québec. Il s'est caché au Comic-Con de San Diego en portant un masque de son propre personnage. Ben voyons donc! Donc, tu sais, c'est une convention de geek. Ouais, ben oui. Et tu te fais trop remarquer quand t'es une vedette. Tout le monde veut ton Ben oui, tout le monde veut valet de jersey pis tout, là. Fait que tu mets un masque de ton propre personnage. Malade! C'est trop fantastique. Heisenberg, allez voir la photo de lui avec son masque. Hey, bravo! C'est une bonne idée. On se lève debout et on applaudit. On applaudit. Bravo. Et pour terminer, on a une série dérivée de Supernatural qui serait en chantier à la CW, le réseau de télévision qui évidemment diffuse sur Naturel depuis plein d'années. Là. Combien ça fait de temps? Ça doit faire un bon 9 saisons. Ça va être la 9e saison qui commence le 15 octobre à 21h. Donc, il va y avoir possiblement une série dérivée un petit peu comme Vampire Diaries, on l'a déjà annoncé, avec The Originals. C'était à Comic-Con qu'on a parlé un petit peu de ça. C'est le producteur exécutif de Supernatural, Bob Singer, qui a annoncé qu'un pilote backdoor est en développement. Ce qu'on appelle un backdoor pilot, par la porte d'en arrière, comme on dit. C'est que dans le fond, comme ils ont fait avec Vampire Diaries, c'est que tu fais un épisode de Supernatural, mettant en vedette des personnages qu'on connaît pas encore. C'est un épisode de Supernatural, dans la série Supernatural, saison 9, mais des personnages que tu connais pas, puis l'épisode finit sur genre un cliffhanger, et peut-être que ça va être complété dans un épisode... Dans le premier épisode véridique de peu importe comment ils nomment cette série-là. Ouais. On voit ça souvent. Ouais, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Ça fait bizarre quand tu regardes la série dans l'ordre et qu'il y a un épisode qui, met pas en vedette les gens normaux l'émission. Tu fais comme. Hein? Non, c'est ça. Tu te demandes, coudonc, il se passe-tu quelque chose que j'ai pas vu, là? C'est ça. C'est un backdoor pilot. Oh. C'est intéressant comme concept, je trouve. Oui, très. Et on termine avec les codes d'écoute BBM pour la semaine du 15 au 21 juillet. Donc, toujours quelques semaines de retard pour les codes d'écoute. C'est bien normal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, allons-y avec le top 10 à 6 du Québec. Film de filles à TVA, vlog, l'épicerie à Radio-Canada, TVA Nouvelle, Esprit criminel en 6e. En 5e, c'est Revenge. Oui. Je sais jamais comment dire en français ou en anglais. Ah. Vengeance à Radio-Canada. En 4e, c'est Les Chefs, aussi à Radio-Can. En 3e, Sucré salé à TVA. En 2e, Roue de fortune, encore une fois, qui devrait pas être dans le top parce que c'est pas une émission. Non, mais là, parle-nous pas là-dessus. Là. Non, on a déjà parlé. Et en première place, on s'est fâché même. Oui. C'est TVA Nouvelle en première place du lundi au vendredi à 18h. 754 000 personnes. Au Canada anglais maintenant. 10e place, c'est Rookie Blue. Ensuite, Big Brother 15 du mercredi. America's Got Talent. Big Brother 15 du dimanche. En 6e, Big Brother 15 du jeudi. En 5e, c'est CTV Evening News, les nouvelles sur CTV. En 4e, The Big Bang Theory. En 3e, Masterchef. En 2e, Under the Dome sur Global. Et en première, la série la plus écoutée est étrangement une émission canadienne. Mmh? C'est rare parce que d'habitude, c'est pas mal toutes les émissions américaines. Sauf que ça compte plus ou moins parce que c'est une adaptation. C'est Amazing Race Canada. Donc, l'adaptation canadienne de The Amazing Race. Bon. Ça compte parce que c'est du contenu canadien. Ouais. C'est un concept qui n'est pas tellement dit. Et qui n'est même pas des États-Unis, je pense non plus. Je ne vois pas d'où ça vient. Donc voilà pour Télévision. Ouh. Yeah. Dans quelques secondes, on va brasser les choses un peu. On va continuer avec C'est un fait, Tech Edition. On change l'ordre des choses. Mais on continue pour l'instant en chiptune. Et on s'en va entendre. En fait, c'est bizarre parce que tantôt, on a entendu Vault 44. Tu te rappelles? Oui. Et là, on écoute un autre artiste avec le mot Vault dedans. Oh. Je sais pas si c'est parce que c'est supposé le faire sentir électrique. Ouh. Ou choqué. Ouais. Voici Fluid Vault et Gilded Cavern. Vous écoutez MPS, Mathieu Plancho. Wouhou! Ah, c'est foufou! Foufou! Foufou! Foufou! Foufou! T'es mignon! Peux-tu ronronner, toi? Ah. Oh, t'es bon. Wow, je trouve que c'est vraiment une des bonnes pièces de chiptune que j'ai entendu. Moi, c'est Gilded Cavern par Fluid Vault. Ouais, je l'ai trouvé pas pire. Mystérieux. Mmh. Pas mal. Bon, on dirait que t'es dans un château avec des boues, là, tu sais, dans ouais, genre, hein. Toujours autour de Mario, mes affaires. Faut pas que ça fasse référence à Mario. Mais cette fois. Je suis de même. Oui. Hey, Princess Peach, es-tu prête pour. Princess Peach! Voici, c'est un fait, Tech Edition. C'est un fait Tech Edition qu'on faisait à la fin de l'émission, mais que là, on met au milieu, ça, pour faire ouais. ça. Ben oui. Commençons, tiens, avec quelques faits technologiques. Comme toujours, la morsure, la petite bouchée prise dans la pomme de Apple sur mon ordinateur en pause. Oui. En fait, la bouchée a été prise pour montrer un petit peu, disons, faire une échelle de grandeur pour montrer de quelle grosseur est supposée être la pomme et ne pas ressembler à une cerise. Dans le fond, ils ont enlevé une bouchée. Que, sinon, avec la grandeur de la pomme sur l'appareil, ça a l'air d'une cerise. J'avoue. C'est intéressant. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, Apple va remplacer le dessous de n'importe quel MacBook de 2009 à 2011, le dessous qui est scratché. Tu as leur demandé okay. Et apparemment que gratuitement, ils changent le dessous. C'est une bonne chose. Seigneur. Ça scratch assez facilement les dessous de Mac. Ouais, mais mon Dieu, c'est rare qu'une compagnie va faire ça. Ouais, ben j'imagine que vu que c'est un bout d'aluminium, tu sais, le reste de l'ordinateur est unibody, c'est-à-dire que tout l'ordinateur est comme un seul morceau d'aluminium. Ouais, OK. Donc le dessous qui est un petit couvert mince, j'imagine que ça doit pas être trop cher. Et ça fait que peut-être que les gens les apprécient plus, ils peuvent changer facilement leur dessous. Ah, ben bravo, c'est le fun. Très bien. Et le dessous, vraiment, pour vrai, une chance que les petites pattes de caoutchouc sont là, parce que sinon, tu mets ton ongle dessus puis c'est scratch. Que voulez-vous? Le premier fournisseur d'accès à Internet était CompuServe, qui existe encore sous AOL Time Warner. Oh! CompuServe. Pour se faire prendre en photo avec les premières caméras au monde, il fallait s'asseoir et rester plus ou moins figé pendant 8 heures. Hein? Pendant 8 heures? 8 heures. 8 heures à pas bouger pour rien. Les premières caméras. Aïe, aïe. Une chance que ça a évolué. Pas mal, hein? Maintenant, tu peux en prendre 50 par heure et... Ben plus que ça. Facile. Les employés de chez Google s'appellent des Nooglers. N-O-O-G-L-E-R-S. Et on leur donne une petite casquette avec une hélice dessus le premier vendredi au travail. Je sais pas si c'est comme un genre de... Comment dire? De défi à relever. Ouais, c'est ça. Hey, c'est donc drôle. C'est cute. Oui. Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, était capitaine de l'équipe d'escrime de son école secondaire Fencing. C'est avec les épées, l'escrime. Oui? Ah ben. Ouais. Ensuite, tiens, parlons un petit peu de jeux vidéo et de consoles cette fois-ci. C'est comme un bloc thématique du an 2. Le Commodore 64 est considéré comme l'ordinateur personnel qui s'est vendu le mieux de tous les temps, vendant jusqu'à 17 millions d'unités de 82 à 94. Ouh, quand même, c'est beaucoup. Une période de 12 ans. Bravo. Sorti juste un mois après la Game Boy de Nintendo, l'Atari Lynx était la première console portable avec un écran couleur. Et je me rappelle d'avoir vu ces écrans-là. Et il y a une photo sur assemblagerequis.com. Je trouvais les graphiques vraiment mignons sur la Lynx. Atari Lynx, allez voir ça. La Dreamcast. Ah, encore un support audio que j'ai pas préparé comme le veut l'habitude. Ah, ben, ça, toi! Et que c'est moi, ça. Ça, c'est du vrai Mathieu Plante. Et quand on s'habituera jamais à ça. Donc, je sais pas si tu te rappelles, en fait, sûrement pas, parce que j'ai jamais eu moi-même de Sega Dreamcast, mais il y avait un petit son de démarrage, et on devrait pouvoir l'entendre, attention, ici même. C'est vraiment plate comme son, je vous le fais entendre comme ça. Là. Attention. On dirait que t'es dans une salle de bain et il y a des golos. C'est pas vrai. Ah non, moi j'aime ça. Je trouve ça cool. Ça fait mystique, là. C'est un genre. On dirait qu'il va arriver comme un gros boum. Boum, mais il n'y en a pas. Non, ça finit plate de même. Oh. Donc, le son d'ouverture de la Sega Dreamcast a été composé par Ryushi Sakamoto, claviériste et des fois vocaliste pour un groupe d'électronica japonais, Yellow Magic Orchestra. Oh. Il me semble que c'est pas une grosse composition. Bon. Non, mais quand même. Ben, faut pas que ce soit long non plus, là. Non. C'est rien que l'ouverture. Et si tu l'entends trop souvent, tu te tannes. On avait des appareils qui avaient une beaucoup trop longue chanson d'ouverture, la Boxy Box. Ah oui, ben oui, comme par exemple, oui, c'est en plein à ça que je pensais. Je vais expliquer un petit peu la vidéo. Dreamcast, quand t'entends les notes, les lettres apparaissent une par une et il y a le logo de Dreamcast qui était dans le fond un ver de terre qui tourne en rond. Vraiment, c'est le logo le plus simple au monde. Ben oui. C'est comme un ressort, c'est beau. Ouais. Donc voilà, pour la Dreamcast, allez voir la vidéo, je l'ai mis en lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, le premier prototype de la Xbox a été construit sur un prototype, avec des morceaux de laptop, de portable Dell. Oh. En 1998, Burkis, un des créateurs, et son équipe ont commandé quelques portables Dell. Ils ont défait en morceaux et ont conçu le premier prototype pour une console de jeu basée sur Windows. Ed Fries, qui menait la partie Games Publishing de la compagnie Microsoft. Les quatre cofondateurs de la Xbox qui parlaient d'une console qui s'appelait la DirectXbox, basée sur le DirectX, une technologie graphique de Windows. C'était développé par l'équipe de Burkis. Donc, c'est ça, apparemment que c'était fait avec des vieux portables Dell. Ben, c'est bien. Ouais. Le design final de la Famicom, qui est l'ancêtre de la Nintendo Entertainment System, on a célébré le 30e anniversaire la semaine passée, de la NES d'ailleurs, ça incorporait le rouge. Dans le fond, la console était rouge. Pourquoi? Ben parce que c'était le président de Nintendo à l'époque, Hiroshi Yamauchi, qui aimait beaucoup le rouge et qui a demandé à ce que la console soit rouge. Yamauchi portait souvent un foulard de cette même couleur, de cette même teinte de rouge. Et dans le fond, on a décidé d'inclure sa couleur préférée dans le système. On devrait noter aussi qu'à l'époque de la manufacture, de la fabrication de cette console-là, les plastiques rouges et blancs étaient les moins chers à produire. Oh. Ça tombait bien sur la couleur. Mais oui, il y a dans ça, toi. Mais c'est un rouge en Bourgogne, c'est ça. Ouais, c'est pas un rouge flash. Oui. Non, mais ça reste à la mode. Ça se démode pas du rouge, rouge foncé. Ouais. Ce qu'on appelle le Multi-Purpose Arcade Combat Simulator Max. C'était un simulateur de tir développé par Sculptured Software et c'était en fait fabriqué pour l'armée américaine pour qu'ils puissent s'entraîner à tirer. Donc, les soldats s'entraînaient à tirer avec ça sur une console de jeux vidéo. Le simulateur utilisait une réplique, genre une copie d'un fusil qui s'appelait le Jaeger AP-74, qui était beaucoup plus précis que le... En fait, c'est avec une Super Nintendo, si je me fie à la boîte sur la photo sur assemblagerequipe.com. Donc, dans le fond, sur la Super Nintendo, tu avais un fusil, le Super Scope, qui était utilisé dans certains jeux. Et le simulateur utilisait une autre sorte de fusil pour faire la même chose, mais pour entraîner des soldats sur la Super Nintendo. Oh, ben c'est le fun. Ouais. Le SDK de la GameCube, ce qu'on appelle le Software Development Kit, si je me rappelle bien des lettres, fait référence dans son code à des périphériques pour la Nintendo 64 qui n'ont jamais finalement existé. Non, en fait, pour des périphériques de la Nintendo 64 qui existaient, mais qui sont dans le code de développement de la GameCube. Par exemple, le clavier et la souris, ce qui suggère que le GameCube, à une époque, devait pouvoir supporter les périphériques de la Nintendo 64, mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Lorsque la GameCube est sortie, Nintendo voulait vendre environ 50 millions de dollars, c'est bien ça, de consoles, d'ici à 2005, pour pouvoir faire compétition avec Sony et Microsoft. Finalement, ils ont seulement vendu 21,74 millions d'unités. Ah, c'est d'unités, non pas d'argent. Voilà. Quand même. C'est même pas la moitié. Mais non, c'est ça. Sur toute la durée de vie de la console. Si tu regardes la Nunchuck, la manette avec le petit joystick de la Wii. Ouais. C'est avec le petit fil qui dépasse, tu branches une manette dedans. Bon. Le dos de ce Nunchuck-là est exactement pareil comme le stick du milieu de la Nintendo 64, la manette de la Nintendo 64. T'sais, la Nintendo 64 a trois... c'est comme un bat signal. Là. Ouais. Le milieu ressemble étrangement au Nunchuck. C'est beau à voir en photo sur assemblagerequipe.com, évidemment. Donc, assez parlé de console, parlons un petit peu de Sonic the Hedgehog, le hérisson bleu. Oui. Et encore un autre support auditif ici. Est-ce qu'il marche? Ah, il va marcher. Moi, tout marche. Tout marche si on est prêt à être patient un peu. Ah oui. Pendant que la page se charge. Donc, tu te rappelles de cet indicatif-là ici? Sega! Tu sais? Oui. Au bout de chaque jeu de Sega. Ouais. Donc, selon les développeurs de la série Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, le célèbre jingle Sega au début du jeu prenait le 8e de l'espace sur la cartouche de jeu. Juste d'avoir le son et j'imagine le logo Sega, c'était le 8e de la cartouche. Le 8e? Franchement. Mais ça valait la peine, c'est une icône. Oh oui, quand même, là, mais aïe aïe. OK. Certaines des textures utilisées pour en fait un robot qui s'appelle le E105 dans Sonic Adventure sur la Dreamcast. Si on regarde la photo de plus près, là, évidemment, vous ne voyez pas la photo à la maison, mais sur assemblagerequipe.com, elle est là. Et le robot est fait de différentes Dreamcasts. Donc, la console Dreamcast, le robot est composé de consoles de jeux Dreamcast. Je ne sais pas si de loin, on n'était pas supposé le voir ou c'était comme un genre d'inside. Ouais, c'est embêtant. Hein? C'est très cute. Si on installe la version CD, la version Dreamcast du jeu Sonic Adventure 2 dans un PC, un ordinateur normal PC, ça va révéler plusieurs papiers peints des arrière-plans de Sonic. Une bonne idée, c'est comme cool. Un double fonction. Ben oui. Même chose pour le jeu Sonic CD sur la Sega CD et le PC. Le CD du jeu est aussi sa trame sonore. Donc, si tu le mets dans un lecteur CD, ça va jouer la musique du jeu. C'est rare, c'est le fun. Ouais, c'est cool. Ils font plus ça maintenant. Ben non. C'est plate. Puis en plus, on s'en va vers le numérique. Hein, fait qu'on va en avoir c'est encore. Ça. Dans le jeu Sonic Drift 2 sur la Game Gear, la console portable de Sega. Pas de Sega, de c'était qui faisait la Game Gear? Est-ce que c'était Sony? Sega? Non, c'est la Sega. Sega Game Gear. Ouais. Malgré le fait que le jeu original de Sonic Drift est sorti seulement au Japon, le jeu Sonic Drift 2 est sorti aux États-Unis, mais sans changer le titre. Hein? Donc, aux États-Unis, tu peux acheter le jeu Sonic Drift 2, mais il n'y a pas de Sonic Drift 1. Ben là, c'est donc bien drôle. C'est un peu confus. Ouais. Un peu. Mais bon, j'imagine qu'ils voulaient pas mêler encore plus vu qu'il y avait un jeu 1 au Japon. Si tu l'appelles pas 2 aux États-Unis, ça c'est bien mêlant avec les versions originales japonaises. Je sais pas. En général, sur Sonic maintenant, dans Sonic the Comic, la bande dessinée numéro 8, The Origins of Sonic. Sonic est à l'origine brun et très... il avait des pics pas mal intenses, des pics sur son corps. Il a rencontré Dr. Ivo Robotnik, qui à l'époque s'appelait Dr. Ovi Kintobar. En trouvant son laboratoire, les deux sont devenus amis. Dr. Kintobar a performé quelques expériences sur la vitesse extrême de Sonic, ce qui l'a aidé à courir encore plus rapidement. Et avec l'aide des Power Sneakers, des souliers que Dr. Kintobar a inventés, ça lui permettait de courir tellement vite qu'il a brisé la barrière du son, ce qui l'a rendu bleu. Et c'est comme ça que c'est expliqué pourquoi il est devenu bleu. Ah, c'est hot! C'est cool. Dans une bande dessinée qui fait partie de l'historique de Sonic, mais qu'on connaît pas tant. Mais non! Ah bon. Ouais. Dans Sonic the Hedgehog 2, maintenant, sur la Genesis, Tails, tu te rappelles Tails? C'est lui qui a deux queues, là. C'est le petit écureuil. Il est tellement cute! Il y a des toutous de ça partout sur le monde. Donc, Tails, à l'origine, était supposé être deux différents animaux avant de devenir un renard, un seul personnage. En premier, il était supposé être un écureuil volant. Sur des années plus tard, il a été réutilisé pour le personnage Ray the Squirrel, qui est apparu seulement dans un seul jeu Sega Sonic Arcade. Ensuite, il a été redessiné pour faire de lui un tanuki. L'idée a été retirée, évidemment, parce que Mario, dans la série des jeux de Mario, avait déjà un tanuki, un habit tanuki qui lui permettait de voler. C'est genre le raton laveur. Oui. Dans Mario. Donc, finalement, ils ont décidé de faire un compromis ou trouver quelque chose de similaire à un tanuki. C'est finalement un renard. Ooh. Et pour terminer, Sonic the Hedgehog 3, toujours sur la Genesis, le jeu était supposé être plus long. Mais à cause du manque de temps et des coûts de manufacture, de production, bref, finalement, pour faire une cartouche de 30 mégabits de MVRAM, ou peu importe les termes techniques de tout ça, on a pris la décision de séparer le jeu en deux. Le deuxième est devenu Sonic & Knuckles. Donc, dans le fond, Sonic & Knuckles est la suite de Sonic the Hedgehog 3, si vous voulez jouer dans l'ordre. On peut trouver, disons, les preuves de ça, le fait que c'est devenu un autre jeu, dans le menu de sélection des tableaux, dans le sound test, où tu peux entendre les chansons du jeu. Les niveaux du deuxième jeu, donc Sonic & Knuckles, font partie de la trame sonore de Sonic the Hedgehog 3 dans le jeu. Donc, ça te dit un petit peu, ça te prouve que c'est vraiment la suite de ce jeu-là, parce que c'était supposé être dans Sonic the Hedgehog 3, mais ça n'a pas été par manque de temps. Ah ben. Alors, voilà pour cet effet Tech Edition. On prend une petite pause au retour dans la deuxième partie du Mathieu Plante Show. Moi. On a, entre autres, Cénix. Oui. La chronique geek. Et après ça, à la toute fin, quelque chose de nouveau dans l'émission. Quelque chose de nouveau. Incroyable. Ça va être ton moment de gloire à toi, Marie-Ève Picard. Tu m'avais pas dit ça? On va se préparer. Ce sera donc la chronique geekette en devenir. C'est au retour de la pause au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Bonjour Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante et évidemment Marie-Ève Picard. Eh oui! Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Oh, je ne sais pas. Elle va nous présenter tantôt sa chronique de la geekette en devenir. Bien sûr. Pour terminer l'émission, mais avant ça, on continue avec la chronique geek. Et voici Cénix. Chronique Geek CNX qui commence toujours avec le bulletin geek de la semaine. Oui. Et commençons avec un produit qui est enfin disponible. C'est un produit que je suis depuis quelques mois. Le boîtier de contrôle gestuel Leap Motion est désormais disponible à la précommande via son site internet dédié. Branché à son ordinateur, il offre une gestion précise et en 3D par de simples mouvements des doigts et des mains de tout ce qui apparaît à l'écran. Qu'il s'agisse du système d'exploitation, d'application ou de jeu, c'est un peu comme la Kinect, mais pour ton PC. Évidemment, on connaît le tactile, on connaît Kinect, mais Leap Motion propose un système encore inédit dans le sens où il ajoute la notion de profondeur et promet une précision encore inégalée, nous dit cet article qui nous provient de la presse. Donc, ça devient tout devient ici possible de contrôler avec ses mains tout ce qui se passe à l'écran, tant en surface qu'en profondeur, de la manière la plus précise possible. Voilà. Avec ce boîtier compact branché à l'ordinateur et placé juste en dessous de l'écran, il devient possible de cliquer et de scroller à la vitesse qu'on veut dans le vide. C'est valable aussi bien au sein du système d'exploitation que sur son navigateur Internet ou via des applications qui sont regroupées dans le Airspace Store. Leap Motion requiert une configuration relativement basique. Et du stade de gadget aujourd'hui, il pourrait bien avoir le temps révolutionner la manière d'utiliser son PC ou encore n'importe quel écran. Leap Motion aurait d'ores et déjà signé divers partenariats avec des constructeurs de PC comme HP ou Asus afin que leurs solutions soient commercialisées avec leurs futurs ordinateurs tout en un. Donc, imagine, t'es devant l'ordi, tu scrolles de page. Ouais. Quick. Comme ça, tu salis rien quand tu regardes la porn. C'est malade. Chou. Mathieu. Oh, come on. Franchement. Ben là, fallait le dire. Ouais, j'avoue que c'était facile. Tout le monde la comprend. Vérifiez oui, s'il n'y a pas moins cher ailleurs via son smartphone lorsqu'on fait des courses. C'est du showrooming. C'est le nom qu'on a choisi pour ça. Showrooming, ce phénomène a quintuplé aux États-Unis. Donc, cette pratique qui consiste à se rendre en boutique juste pour voir les produits, puis à acheter ensuite en ligne à un prix préférentiel. Évidemment, avec le fait que les gens ont de plus en plus de téléphones intelligents, le phénomène a explosé et ça a quintuplé depuis l'année dernière. L'agence américaine Parago a interrogé 1 000 000 de possesseurs de smartphones en juin 2013. Le premier enseignement, oui, est que 58% des sondés utilisent leur mobile pour comparer les prix lorsqu'ils sont en rayon. Ils sont autant à acheter directement sur leur téléphone depuis le magasin. Un tiers le fait chaque semaine. Ça veut dire que tu es en magasin, tu magasines et tu l'achètes directement en magasin par ton téléphone sur Amazon, mettons. Mais oui, c'est malade, là. T'sais, retourner chez vous pour le faire, ça va, mais en direct devant le produit, c'est cool. Ben, c'est vraiment drôle. Faut que je fasse ça. Oui! Une même proportion achète l'article sur son ordinateur après sa visite. Parmi les produits les plus ciblés par le showrooming, on retrouve l'habillement. Ce qui est difficile d'acheter en ligne par rapport aux tailles. Oui, pour une fille, là, c'est très, très, très difficile. Donc, tu vas au magasin, t'essayes pour avoir la bonne grandeur. Oui, puis là, ben, tu commandes live. Simple, et en plus, c'est remboursable super facilement la plupart du temps. Cool. Sur Internet. Les nouvelles technologies, le divertissement et l'électroménager aussi. L'outillage et les fournitures de bureaux sont également concernés. L'étude apprend qu'au total, 92% se rendent sur Amazon pour acheter finalement. C'est le site de choix. Le géant américain du commerce électronique remporte 2 fois plus de succès que Google. Ce choix s'explique par l'abondance de produits conjugués au prix généralement compétitif observé. C'est bien sûr, tout est là. Ben oui, tout est là, puis c'est vraiment, vraiment moins cher. Hein? Oui, des fois, là, tu pourrais être surpris du rabais. Là. Oui. Des bons 50% par moment. Vraiment. À la question, achèteriez-vous un article en magasin à 50 € s'il était à 45 € sur Amazon? Donc, disons qu'il y a un petit rabais de 5 $, 5 $, 63% répondent que non. Il l'achèterait pas en magasin, il l'achèterait sur Amazon pour une petite différence de prix comme ça. OK. Lorsque la différence de prix passe de 100 à 80 € à la faveur du commerce électronique, 9 sur 10 n'hésitent pas à préférer l'Internet. Dans le cas où la boutique s'aligne sur Amazon, là, les consommateurs vont l'acheter en magasin. Quand c'est à peu près égal, là, en bas de 5 $. Mm-hmm. Ben oui, pourquoi pas. Ça a du sens. Tu veux pas attendre des fois 3 semaines avant de l'avoir. Non, c'est ça, c'est plate. Quoi qu'Amazon, des fois, là, j'ai été surpris, c'est ça a rapide. Été 3 jours. Pour la version américaine d'Amazon là, qui livre au Canada, des fois, oui, là, oui. C'est rare, mais ça se fait. Donc voilà, c'est intéressant, le reste de l'article sur assemblagerequis.com. La compagnie californienne Google travaille sur un service de traduction simultanée de conversations entre personnes ne parlant pas la langue, une même langue, oui. Donc on connaît le concept du traducteur universel, un appareil qui permet à quiconque de comprendre instantanément son interlocuteur, comme si celui-ci parlait de sa langue maternelle à l'autre personne, en fond. Exact. Le quotidien britannique The Times s'est entretenu avec le vice-président de la division Android chez Google. Selon lui, le service de traduction sur lequel son équipe travaille donne un résultat presque parfait dans certains cas, notamment dans le cas de l'anglais et du portugais. Cependant, la reconnaissance vocale demeure problématique, particulièrement si l'utilisateur se trouve dans un environnement bruyant. Bon. La première itération de ce service de traduction en temps réel sera d'abord appliquée aux conversations téléphoniques. Google veut faire en sorte qu'il soit possible pour chacun des interlocuteurs de se parler et se comprendre dans la langue de son choix instantanément. Ouh, wow. C'est vraiment cool. Malade. Un service identique a été présenté l'an dernier par NTT Docomo. L'application Android qui était offerte seulement aux clients de la compagnie permettait de choisir la langue qu'on souhaitait utiliser pour l'appel téléphonique qu'on était sur le point de faire. La conversion des langues est par la suite calculée dans le nuage, donc sur Internet, et le service offre une efficacité de plus de 90% avec un délai de seulement 2 secondes. Hey, bravo! 2 secondes! C'est quelque chose? Il y a un plus gros lien satellite entre les gens qui se parlent à RDI puis qu'il faut qu'ils attendent la réponse de l'autre. C'est génial. Je comprends pas. Mais bon. L'article vient de branchez-vous.com. Toujours sur le même site, plus mince, plus légère et plus puissante que son prédécesseur, la nouvelle tablette de Google, Nexus 7, impressionne par son rapport qualité-prix. Suite aux fuites ayant circulé à son sujet sur Internet, Google a enfin révélé le successeur de sa première tablette, la nouvelle Nexus 7. Ils ont abandonné les noms qui se suivent. Elle s'appelait déjà Nexus 7, c'est la nouvelle Nexus 7, dans le fond. C'est comme le nouveau iPad, ça s'appelle juste le iPad. Ouais. C'est bon. Donc, équipé d'un écran d'une résolution de 1920 par 1200, c'est plus que mes moniteurs 23 pouces à la maison, pour vrai. Dont la densité de pixels est de 323 pixels par pouce. La tablette offre une qualité d'image théoriquement supérieure à l'iPad pour une fraction du prix, donc c'est meilleur que Retina. Ben voyons donc, et ça se peut pas. Non, je te crois pas. C'est dur à croire. C'est une meilleure résolution que l'iPad Retina dans la forme du iPad mini. C'est malade. La caméra principale de 5 mégapixels qui s'ajoute à la caméra frontale qu'on avait déjà. En termes d'autonomie, Google nous promet qu'on pourra regarder 9 heures de vidéo HD ou naviguer sur Internet pendant 10 heures, des chiffres comparables à ce que propose l'iPad. C'est la chose, justement, les gens se demandaient comment ça se fait qu'il n'y a pas d'écran Retina sur l'iPad mini. Apple de répondre, ce serait bien trop difficile parce que la batterie ne durerait pas assez longtemps. On voit que c'est faux parce que Google le fait. Exact. Bravo Google. Google a profité de cette occasion pour dévoiler aussi Android 4.3, la nouvelle version de son système d'exploitation mobile. Il est désormais possible de configurer plusieurs comptes et d'ajouter certaines restrictions parentales. Ce qui est le fun, c'est mettons, tu veux empêcher les enfants d'aller télécharger des applications ou des bonus dans les tableaux. Ouais, c'est ça, parce qu'on sait que c'est assez facile, hein? Pas mal d'acheter une voiture avec la carte de crédit de son père. La mise en marché est prévue pour le 30 juillet prochain. On parle d'un prix d'environ 300$, mais là, ça a l'air flou. Là, selon l'article de Branchez-vous, là, ça a été retiré. Là, on n'est pas sûr du prix ni de la date de sortie, mais bon, on pourrait s'attendre à peu près vers le mois d'août pour à peut-être 300$ environ. Mais on s'entend que pour comparer un iPad ou un iPad mini, 300$, c'est très compétitif. Là. Ben, mais hein, en tout cas, moi, j'en veux une. J'en veux deux. Trois. J'en veux quatre. Infini plus un. Oh! L'usage. Oh, je suis le même, je gagne à tout coup. L'usage des lunettes futuristes Google Glass a séduit pour la première fois l'industrie pornographique avec un film professionnel tourné en partie avec le nouvel appareil connecté de la firme de Mountain View, Google. Lors de sa présentation, Google Glass, avec son petit écran et sa caméra embarquée, laissait entrevoir de nouvelles perspectives. Le monde du porno professionnel vient tout juste de s'emparer du phénomène, nous dit Clubic.com. Donc, le célèbre acteur et producteur américain James Dean partageant l'affiche avec l'actrice Andy Sandimas, s'il a interdit la mise à disposition d'applications dédiées de type pornographique et s'il ne répond pas à des requêtes menant vers des contenus explicites, Google n'a aucun contrôle sur l'usage qui sera fait de la caméra 720p équipant l'appareil. Une aubaine pour l'industrie pornographique en mal d'immersion. Donc, ils veulent essayer de rendre ça plus réaliste avec des lunettes qui sont pas si chères que ça pour ce que ça fait. Moi, je trouve que c'est quand même cher. Le film à caractère pornographique n'est pas accessible au public. Une bande-annonce a été mise en ligne sur le web, diffusable, même si pour certains, ça pourrait être un petit peu trop. Je me demande si on peut aller entendre un extrait de cette porno professionnelle filmée avec les lunettes de Google. Allons voir. On va s'essayer facilement. En tout cas, nous voici avec la bande-annonce. Oh, déjà, la mise en scène. C'est pas filmé au complet avec les lunettes Google. Comme là, on voit les deux personnes interagir devant l'ascenseur. Et des fois, on passe au plan de la caméra du gars, parce que la fille porte les lunettes, prête les lunettes au gars, et le gars regarde la poitrine de la fille. C'est une gamique, là. Tu sais, le gars, il s'en va dans un bureau, puis il rencontre quelqu'un. On le voit dans. C'est une gamique. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Pour autant. Non. Voilà. Non. Donc, c'est assez de ça. De la porno, c'est bien le fun, mais... Ouais, c'est ça, calme-toi, là. On va faire ça hors onde. Et voilà. Continuons toujours dans le bulletin de nouvelles geeks scéniques. Sur le modèle d'Instagram, le blogueur Éric Dupin présente Dronestagram, un site réunissant les plus belles vues prises d'un drone. S'il reprend le principe du partage des images, ce site fait toutefois abstraction des filtres personnalisables. Donc, ce drone-là ne se sert pas du sepia tone ou du noir et blanc qui est très populaire sur Instagram. C'est juste des photos normales. Donc, un drone, c'est un genre de véhicule guidé automatiquement, là, genre. Oui. Sans personne à l'intérieur. Donc, un drone allié à un appareil photo, à une petite caméra, permet d'obtenir des prises de vue parfois extrêmement spectaculaires. Ces petits engins télécommandés avec leur portée de plusieurs dizaines de mètres permettent des prises de vue aériennes inenvisageables auparavant, en ville, à la campagne, à la mer ou dans les montagnes. C'est dans le but de les rassembler sur une même plateforme qu'Éric Dupin a l'idée de créer Dronestagram. Il invite d'ailleurs tous les possesseurs de drones. Mais oui, tous les nombreux possesseurs de ben drones. Ben oui, comme s'il y en avait 50 000. Là. L'armée américaine. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, allez voir sur Dronestagram. L'adresse est dronestagger.am. Là, donc, le gramme. Gramme. Le AM est après le point. On voit. Dronestagram. Disney Research, qui associe Disney à des laboratoires universitaires à travers le monde, vient de dévoiler un algorithme capable de créer un rendu 3D à l'aide de plusieurs photos d'un même lieu prises dans des angles différents. Conçu par Disney Research à Zurich, l'algorithme de rendu 3D analyse les informations contenues dans plusieurs photographies 2D statiques pour créer un résultat animé. Le projet consiste à capturer facilement une scène à partir de différents points de vue pour remplir les zones creuses. L'analyse de la lumière permet de calculer la profondeur de champ et de concevoir une restitution virtuelle proche de la réalité. Actuellement, pour obtenir un tel résultat, il fallait travailler avec un système de balayage laser permettant de reconstituer un objet ou un environnement en trois dimensions. Un procédé coûteux que la proposition de Disney Research pourrait contribuer à réduire. Une telle démarche pourrait notamment aider à créer des objets modélisés fidèlement dans les jeux vidéo, donc vraiment faire une copie de quelque chose qui est dans la vraie vie, mais dans un jeu vidéo en 3D. C'est vraiment cool! Également dans la création d'une archive du monde réel. Donc, par exemple, on pourrait archiver le monde tel qu'il est en 2014 et dans le futur, revoir notre vrai monde comme il était dans ce temps-là. C'est vrai! Quelle bonne idée! Hey, c'est vraiment génial! C'est encore en phase d'expérimentation. Je vous invite à aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com. On parlait la semaine passée d'une femme chinoise qui s'était électrocutée dans son bain. Ouais. La firme américaine Apple rappelle aux utilisateurs de ses produits en Chine qu'il est important pour leur sécurité qu'ils utilisent des chargeurs officiels Apple. Donc, ils mettent en garde contre les équipements qui ne seraient pas homologués. Ce qui est arrivé à la fille de la Chine, dans le fond, la chinoise de 23 ans, elle avait probablement un chargeur d'une compagnie tierce. Ouais, mais elle pensait que c'était le bon, mais finalement, ça ressemblait trop à l'autre. C'est visuellement très similaire. Hein? Ouais. Les courbes sont pareilles, c'est blanc, c'est écrit pareil. Mais il y a des petits détails. Donc, sur leur site, la version chinoise de leur site, ils nous montrent comment faire pour différencier. C'est une très bonne idée. Apple, évidemment, enquête sur ce qui s'est passé avec la jeune chinoise. Apple présente les chargeurs de ses modèles pour iPhone 4, 4S, 5, iPad mini, iPad Retina et iPad 2 et conseille de regarder au dos des chargeurs pour vérifier que certaines mentions y figurent bien. Évidemment, ici, on n'a pas vraiment besoin de s'en faire pour ça. Moi, je pense pas, là, parce qu'on n'a pas du genre à avoir des magasins qui font des répliques presque pareilles. Comme on dit la semaine passée, allez visiter sur Google, chercher genre fake Apple Stores, là, ça ressemble vraiment au vrai. C'est vraiment à s'y méprendre. Exactement. Le bébé royal a déjà un nom de domaine. Le bébé royal, né le 22 juillet dernier, ça commence à faire un bout, là, presque une semaine, a déjà un nom de domaine sur Internet composé de ses trois prénoms et c'était déposé par un homme d'affaires suisse qui a eu le nez assez précis pour renifler le nom de la personne. Ben voyons. Donc, on se rappelle que mercredi, le 24 juillet au matin, cet homme a déposé le nom de domaine georgealexanderlewis.com alors que le prénom du bébé royal a été annoncé en fin d'après-midi de la même journée. What? Donc, il l'a fait avant. Donc, ce gars-là est un gars qui crée des noms de domaine sur Internet pour les revendre ensuite. C'est un genre d'arnaqueur comme ça, à partir d'une liste composée par les preneurs aux livres anglais. Donc, il a regardé tout ce qui a été choisi par les bookies, là, tu sais, les gens, en fond, qui... pas les bookies, les bookies sont ceux qui prennent les mises des gens. Mettons, tu vas aller voir ton bookie pour lui dire, bon, je voudrais miser tel montant sur le fait que ça va être ce nom-là. Ouais, tu peux, il y a des chances de gagner, de perdre, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est basé sur les livres des bookies pour faire son .com. J'imagine qu'il y en a fait plein, mais entre autres, la bonne. Celui-là, hein? George était leur prénom favori aux côtés de James, Alexander, Richard et Louis pour Le Petit Prince. Donc, l'entrepreneur de 32 ans, ancien agent immobilier en Suisse et expatrié au Portugal, a passé 7 ans à observer le marché des noms de domaine, évaluant ceux qui prenaient de la valeur et ceux qui n'en prenaient pas. Il a ensuite monté sa propre entreprise, Key Domains, et est propriétaire de plus de 600 noms de domaine jusqu'à maintenant. Oui, quand même. Bravo. Ben oui, bravo. Hein? Bravo. Ouais. Sur assemblagerequis.com, j'ai posté les images de l'interface de la PlayStation 4 qui sont sorties récemment, donc allez voir ça, je vous le conseille. Il y a un speedrun caritatif. Vous savez, les speedruns, c'est quand les gens jouent à des jeux vidéo le plus rapidement possible. Un peu comme moi qui parle le plus rapidement possible. Oui, ça t'arrive un peu, hein? Un petit peu trop. Donc c'est ça, mais c'est pour une bonne cause ici, c'est pour le cancer. C'est Médecins sans frontières qui s'associe avec Games Done Quick jusqu'au 30 juillet. Donc si vous écoutez en direct le dimanche, allez leur donner de l'argent. Même pas besoin de les regarder jouer, juste leur donner de l'argent pour une bonne cause. Là. C'est le fun. Ouais. Il y a un film de Gran Turismo qui s'en viendrait apparemment et on savait déjà pour le film de Need for Speed, mais là apparemment qu'il y aura un film de Gran Turismo, le jeu de course de voiture. Ça va être un autre film d'action comme tous les films d'action. Et finalement, le frère de Mel Gibson va prêter sa voix au jeu Mad Max. Un jeu vidéo sur le film culte Mad Max devrait voir le jour début 2014. C'est pas Mel Gibson qui va être, dans le fond, la vedette de ce jeu vidéo-là. C'était lui la vedette du film. Ça va être son frère, Donald Gibson. Non. C'est lui qui ont trouvé avec la voix la plus proche. c'était son frère. Ben. Tiens, quand même. C'est ça. Ben, au début, la compagnie voulait prendre un acteur américain quelconque pour faire la voix, mais c'était un Australien dans le film, donc il y avait un accent australien. Donc les gens ont fait une pétition pour que le personnage ait un accent australien. Ben voyons. Puis ils trouvaient pas une voix qui avait l'air similaire, donc ils ont engagé son frère. Ah, ben bravo pour son frère. Tant mieux. Cool. Si on parle... attention. Pardonnez-moi. On parle du site le plus bizarre ici, c'est See Your Folks. Un nouveau site web qui reçoit de l'attention en ce moment. C'est une calculatrice qui vous dit combien de fois vous allez voir vos parents avant leur mort. Hein? Ça a l'air un peu morbide ici. Ouais, explique-toi donc. Ouais, ben allons voir sur seeyourfolks.com, qui est le site à visiter. Et ça nous dit qu'on est tellement occupé qu'on oublie de voir que les gens vieillissent et qu'il faut aller les voir avant leur mort. Donc, disons qu'on choisit Canada. En moyenne, combien de fois vois-tu tes parents dans une année? Ben, beaucoup, là. Pour une année, je dirais... Une trentaine? Ouais, mettons. Mettons une trentaine de fois. Quel âge a ta mère? Elle a 53. C'est dit en nombre. Quel âge a ton père? 51. 51? Oui. On va voir les résultats. Tu vas voir tes parents environ 900 fois avant leur mort, selon la plupart des, tu sais, genre les moyennes des choses. Non. Environ 900 fois. C'est intéressant. Je saute quelques affaires là, par manque de temps ici, mais il y a un gars qui a créé pour son CV. Là, dans le fond, il voulait travailler pour une compagnie de jeux vidéo. Alexander J. Velicky a créé 25 heures de bonus pour le jeu Skyrim pour essayer de se faire engager par la compagnie Bethesda qui produit ce jeu-là. Donc le gars il a 19 ans, il a passé 2000 heures à créer un mod qui s'appelle Faxar, qui ajoute 25 heures au jeu The Elder Scrolls V Skyrim. Il a créé une terre, etc. Il a utilisé 29 acteurs de voix pour faire ce jeu-là, cette extension-là au jeu. Ah, et là, il attend d'avoir peut-être un poste chez Bethesda. C'est cool, mais c'est donné. C'est très, très cool. Ouais. Allez voir Aubrey Plaza, qu'on aime bien de l'émission Parks and Recreation, qui est la vedette d'une parodie de Daria, tu sais, le dessin animé Daria. Oui! Donc, qui joue elle, qui est très, très pince sans rire. Oui, tout à fait. Très bonne pour jouer ce rôle-là. Oh. C'est génial. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire avant de terminer? Si les super-héros utilisaient Instagram... Ouais. Sur rassemblagerequis.com, on peut aller voir. C'est donc si Batman utilisait Instagram, il prendrait des photos de sa grosse moto, sa bat-moto. évidemment, Iron Man irait sur le bord d'une plage, se croiser les jambes et se montrer là. Oh. Spider-Man prendrait des plans en haut des bâtisses et d'autres feraient des selfies, des photos d'eux-mêmes. Donc, allez voir cette galerie photo-là. Ah, c'est drôle. C'est très bien. Et puis, je veux terminer avec quelques dernières affaires ici. Tu sais, les rues, souvent, le soir, sont vides et les lumières sont quand même allumées dans la rue. Oui, c'est vrai ça. Si seulement il y avait une façon d'éteindre ces lumières-là. Donc, c'est un nouveau concept qui essaie de résoudre ce problème-là. Ça s'appelle le Twilight. C'est des lampes de rue qui s'allument lorsque quelqu'un est autour. Il y a des sensors sans fil qui détectent si quelqu'un, un véhicule, pardon, ou une personne se présente devant la lampe. Ça va devenir... Dans le fond, elle va s'allumer. Et ça peut détecter à quelle vitesse la personne passe. Donc, ça va pouvoir allumer la lumière rapidement si la personne passe rapidement. Oh. Donc, Twilight qui devrait, dans le fond, réduire les émissions de dioxyde de carbone de 80% et devrait réduire les coûts de maintenance par la moitié environ. Colin, c'est pas mal, hein? C'est pas mal fort. Mais tu sais, ça devrait être fait avant, ça, il me semble. Mais il est pas trop tard, tu sais. Non, il est jamais trop tard. Puis pourtant, dans nos maisons, il y en a des affaires qui ressemblent à ça. La lumière de l'extérieur là, que tu peux qui te, justement avec un sensor qui s'allume quand t'arrives proche là, pour que tu puisses débarrer ta porte. Mais il aurait dû, me semble, je sais pas. Ben oui, moi ce que je pense que ce qui les retenait, ça devait être le coût. J'imagine de changer toutes ces lumières-là. Mais tu sais, quand tu détruis ta maison, quand tu fais construire une nouvelle maison, tu peux commencer à installer des nouvelles affaires, des nouvelles technologies. Ben oui, peut-être qu'avec le temps, si les lumières finissent par plus fonctionner ou tu sais. Peut-être que graduellement ils pourraient intégrer ça. Ben oui, c'est ça, il aurait pu commencer graduellement, quelques villes, c'est un peu comme le fibre. Comme la fibre optique pour l'Internet et la télé. Ouais. Exactement, Trois-Rivières un jour. Hein. Et pour terminer, le site emojitracker.com, ils nous avertissent même pour l'épilepsie en entrant sur le site, dont je vais faire proceed vu que je fais pas d'épilepsie. Ça nous montre en temps réel les émoticônes, les emojis, les symboles utilisés sur Twitter en ce moment. Donc on les voit changer en temps réel. Par exemple, là en ce moment, il y en a qui vont utiliser le petit bonhomme sourire pas mal plus. C'est vert quand ça change et c'est une grille donc vraiment de centaines d'émoticônes en même temps. Aïe, et vous pouvez voir si Twitter est en santé, de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ah, c'est drôle! C'est cute. Hein? Oui! On est presque rendu à ton segment Geekette en devenir, mais rapidement on retourne en musique. On s'en va entendre Jewel Trax et Art FX avec Super Robco Disco Battle. Puis après ça, on revient. Geekette en devenir sera pas trop long. Okay? Jewel Tracks et Artifacts. Et ça avec Super Robogo. Roboco, Disco Battle. Et on met des syllabes, eux autres. Robco. Un peu beaucoup, hein? Un peu trop de syllabes. Mais bon, c'est pas grave, on s'est rendu. Et maintenant, ben, parlant de s'être rendu, on s'est rendu à notre but. Le but était de se rendre à la chronique Geekette en devenir. Et la geekette en devenir, c'est Marie-Ève Picard elle-même. Eh oui, bonjour! Bonjour, t'as une petite invention à nous partager aujourd'hui. Mais oui, mais oui! Tu savais qu'aujourd'hui, même le téléphone le plus cheap peut enregistrer des sons et des images? Oui, 100 par jour. Mmh. Sans cesse. Dans des concerts. Exact! On regarde pas le concert, exact. On regarde le téléphone. Mais oui, tout à fait. Mais trouves-tu qu'il nous manque quelques sens dans tout ça? Toucher à la porno. Non? C'est pas ça? Non? J'étais proche? Ouais, si tu veux, là. Mais t'aimerais pas ça, mettons, à la place, là, pouvoir garder une odeur que t'aimes? Oh, l'odeur! Ouais. Bonne idée. Tu sais, une belle odeur, là, que tu voudrais conserver. Là. Une rose. Oui. C'est l'artiste Amy Radcliffe qui a réponse à cela. Elle a inventé la Madeleine. C'est un genre de caméra à odeur. Et ça fait référence au roman « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Elle s'est inspirée du livre que tu connais sûrement. Oui, exactement. Dans ce roman-là, dans le fond, là, c'est une pâtisserie qui s'appelait la Madeleine. Et puis, donc, c'est combiné avec le goût du thé. Le personnage pouvait se rappeler de quelque chose dans son passé par rapport à la pâtisserie, à l'odeur du thé. Oui, exactement. Quelque chose comme ça. Hey, t'as bien fait tes lectures? Genre. Oh, c'est beau. Bref. Donc, comment ça marche tout ça, me demandes-tu? Mais comment ça marche? Ben, je vais te le dire. Okay. Alors, tu places un genre de dôme en plastique sur l'odeur que tu veux enregistrer. Et la madeleine va aspirer l'air autour de l'objet et la conserver dans une capsule, une genre de petite fiole, là, si on veut. Et ça va être mélangé avec de la résine. Ensuite, tu envoies le mélange à un laboratoire de parfum quelconque, celui de ton choix. Et ils vont copier l'odeur et te renvoyer la copie. Okay. Et voilà. OK, je suis en train de regarder la vidéo un petit peu et on voit la personne, donc met ça dans l'enveloppe, l'envoyer. Exact. Et l'autre personne reçoit l'enveloppe, déchire ça. Exact. Une petite pastille d'odeur, de la petite fiole de gouttes d'eau que tu peux verser sur une petite pastille puis sentir ça, genre. Oui. C'est donc bien le fun. Oui, c'est extraordinaire, là, t'imagines? Wow. Tout ce qu'on va pouvoir conserver comme odeur. Comme, je sais pas, tu pourrais dormir avec Zac Efron, si tu veux, sur ton oreiller, une petite tête de Zac Efron. Ben oui, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais tu t'es fait. Sinon, dans Glee, tu sais, il aurait pu continuer d'utiliser Cory Monteith avec son odeur, ça pourrait être un personnage à part entière, c'est une odeur. Trop tôt. Pas de blague avec l'acmé antique là-dessus, non? Non plus, pas, okay. Trop tôt encore. Okay, bon. Ouais. Faut savoir jusqu'où aller. Ouais, c'est ça. Mais donc, pour nous ramener, en fait, c'est ça, pour l'instant, ça fonctionne bien, mais c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais bon, la technologie évolue vite, donc... Un jour, on pourra tweeter des jokes de pets et les faire sentir en même temps. Ouais, exact. Hey, t'imagines, tu reçois ça, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu rouvres, paf, un pet! Oh, oh. Ah ben, mot tadine. Merci, Marie-Ève Picard. Hey, ça me fait plaisir, Mathieu Plante. Excellente idée. Merci d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Hey, ça me fait plaisir encore une fois. On se retrouve dimanche prochain à 16h. Oui. On rappelle mercredi à 14h. Allez voir cif.ca pour la programmation complète. Les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Donc, encore une fois, merci, Marie-Ève Picard. Ça me fait plaisir. C'était Mathieu Plante et de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, bonne soirée, bonne journée demain et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye-bye.